On n'est plus tes esclaves, tu feras cavaler. De nous tu peux pas clair depuis son année. On a la danse à la race, sois raisonnable. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avoue que tu chèques parfois ça fait zizir. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avoue que tu chèques parfois ça fait zizir. K-R-E-G-O-R, c'est le deuxième qui tape les bambou clat. Allez petit, range ton produit, coupé bicarbonate. Notre idole c'est Conan, le barbare, je te le précise. Pour tous les indécis qui crèvent dans leur tessie. Tu vois, l'éclair dans le ciel, bah y'a un bâtard, t'as perdu son quickling. Les frères savent, alors les autres font grise mine. En ces temps subsidiaires, frelot, lâche pas tes études. Persiste avant de finir, comme tous ces bouffons suicidaires. Dans mon destin, les gamins et les gamines se démerdent. Ceux qui nous gouvernent sont des merdes, on marche les yeux bandés dans tes ténèbres. Je veux être célèbre pour plus qu'ils me prennent la tête, eux. Tous ceux qui ne savent pas que sans la passion qu'on peut rappeler la merde. Vos bises nous rend amers et refuse de yéper. À force et cagoulé qu'on reviendra pour débouiller. T'as intérêt à te grouiller si tu veux pas qu'on te bourre. Les tueurs t'attendent au tournant. Taille-toi avant que tu vives la tourmente. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avoue que tu chèques parfois ça fait zizir. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avoue que tu chèques parfois ça fait zizir. Aussi vrai qu'on est coupable, j'attends toujours tes dessous de table. Mais franchement, crois-tu que je mérite faire plus de ballons que tes putains soutanes? Non, moi je vais dire pourquoi on est tous mal grands. Pourquoi on baisse tes agents? Pourquoi être français ça devient rageant? Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Ceux que tu veux acquérir, ceux qui te font atterrir. T'as bien raison de pas vouloir nous comme président. Parce que je te le ferai sauter ton putain de continent. Je souhaite un putain de bon dimanche, jour des saints. Non tes maléfiques dessins, emballe ta foule si t'es poilu c'est ma qui tourmente. Tu sais, on n'est pas gourmand, nous on y va doucement. T'as beau sortir d'un couvent, on est pareil pour la tournante, allez vas-y, touche le manche. On n'est pas prêt de faire la manche, sinon on souffre, tu t'amanches. C'est le Black Tange qui est de retour pour se venger. Toujours pas annihilé, toujours pas résigné, ma couille. On est tous passés par là, on est tous venus au monde à poil. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avoue que tu chèques, parfois ça fait zizir. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avoue que tu chèques, parfois ça fait zizir. On n'est plus tes esclaves, tu feras cavaler. Donne-nous du pipa tard qu'on puisse en aller. On a la danse à la race, sois raisonnable. On n'est plus tes esclaves, tu feras cavaler. Donne-nous du pipa tard qu'on puisse en aller. On a la danse à la race, sois raisonnable. Tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avant que tu chèques, parfois ça fait zizir. Avoue que tu flippes devant les enfants terribles. Les conquérants qui tapent dans les bois d'intérim. Avant que tu chèques, parfois ça fait zizir.